En fait, les gens vont... Si je verse une larme, oui, les gens vont peut-être dire à leur copain et à leur copine sur les réseaux sociaux, au téléphone, d'écouter l'émission. Oui, c'est vrai. Ça attire beaucoup d'auditoires et d'audimat. Et d'audimat. Je le connais plus, l'audimat. Non, il était là la semaine dernière, mais... C'est bien beau frapper à la porte, là, mais il faut premièrement être invité, deuxièmement avoir la carte de membre de CKRL. Si l'Audimat ne l'a pas, ben il l'a. Oui, il l'a, mais il l'avait oublié. Ben oui, mais ça, écoutez, l'Audimat, c'est un passe-partout. Je connais les passe-partout, moi. Il y a eu une soirée de passe-partout hier. Ah, bon, doux. Et il y en avait du zébré. Mais là, on ne peut pas raconter ça ce soir. C'est un peu trop tôt. Quoique, plus tard, c'est un peu trop tard. Donc, dans le milieu, ça se peut pas. Ça n'existe. Dans mon univers, il n'y a pas de milieu. Comme je l'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu la photo, 500% extrémiste, ça, c'est moi, ça. Bien sûr, en tenant compte du genre humain, sans le vexer, sans aller trop loin, un peu plus haut, un peu plus loin. Non, jamais trop loin. Oh. Il y a un chanteur qui a fait sa carrière là-dessus, mais il n'est pas très connu. Je l'entends quelquefois dans des radios communautaires que je ne peux nommer ici. Pourquoi? Parce que c'est des radios communautaires, oui, que je ne peux pas nommer ici maintenant, à tribu. Non, ça peut, c'est pas l'improvisation, c'est vrai. Et moi, là, je me trompe des cassettes dans la vie. On en a plusieurs sans le savoir, de la cassette. On n'est plus au numérique, là. Dans le cerveau, là, ça a encore des 8 tracks. On a les embouchures, il faut les faire pénétrer. Tu parles pas à ton médecin comme tu parles à ta copine. Tu parles pas à ta copine comme tu peux parler à ton copain. Faut avoir une façon de faire, un lexique, une présentation et surtout un décorum. Décorum. Décorum. Ah oh, ouais, ça, c'est une pastille qui est forte parce que j'ai eu la jongivite. La garlotte brûlante. Oh mon doux, ah oui, la garlotte brûlante. C'est ça, je l'alimentais avec de la petite brindille au début. Et puis, ah, c'est beau, la petite brindille, ça chatouille, puis là, t'es bien, puis t'as la voix un peu comme Pavalomaliotti. Pecky? Pavalomaliotti. Ti. Ah, le grand Pavarotti. Ben, c'est ça, Pavarotti, quand il chante. Monsieur Didi. Ben, c'est pas Pavarotti, ça. Ça, c'est Guylaine Lessard. Mais voyons donc. Ben oui, Guylaine Lessard, lorsqu'elle s'est fait opérer les cordes vocales pour avoir la voix masculine, là, elle appelait tout le monde hein, sur les réseaux, les lignes. Elle disait, hey, est-ce que j'ai la voix masculine? Pas vraiment, là. Descend de 2-3 octaves. Oui. Et ensuite, là, tu continues tout droit. Tu vas avoir une lumière juste à ta gauche. Juste à ta. OK? Bon. Et tu restes avec ta tête. Tu fais des bonjours pour pouvoir te faire voir. Sinon, tu peux te faire frapper. Hein? C'est un corridor très, très, très machiste. La gorge. En fait, les canaux gorgettes. Gorgeons. Gorgies. Gorgets. Gorgets. Gorgets. Les gorgeaux. Gorgies. Quand tu gorgeotes. Bon. Il fait froid actuellement, là. T'as la gorgeotte qui brûlote parce que tu mets de la brindille, comme j'ai dit tout à l'heure, et t'oublies de placer de la bûche. Parce que là, quand ça fait un petit crépitement, c'est le temps d'en rentrer de la bûche. Là, ta voix va descendre tranquillement. Mais là, dans le corridor, tu tournes à gauche, tu fais des tatas pour te faire voir parce qu'il y a des chauves-souris là-dedans. Il y a plein de choses. Il peut y avoir, comme dans Tom Waits, la voix de Tom Waits. Bon, on retrouve bien sûr des cendriers, des cigarettes, d'autres formes de cigarettes qu'on ne peut pas nommer ici. Bon. Et tout droit, il y a le réconfort, c'est-à-dire la voix du sage, celui qui a compris et qui chante, là. Blow in the wind. C'est pas Tom Waits, mais c'est pas grave. OK, lui, c'est... Time. On dirait vraiment Tom Waits. C'est vraiment Tom Waits. Tu devrais être imitateur, oui. Time. On va le tondre. C'est un mouton à 3,5 livres, ça. Et lui, il va faire des beaux manteaux. Ah, j'aimerais savoir un pompon fait avec ce Tom Waits-là. Ah, un Tom Waits de pompon. Il y a une tuque à 3 pompons de Tom Waits. Ah, on va vendre ça aux enchères eBay. Oh! Puis ça va aller à CKRL pour le Radioton. Avons-nous une tricoteuse? Oui, à l'époque où j'étais en pleine mesure de mes doigts, okay. J'ai eu de l'arthrite. Hein? De la? De l'arthrite. L'arthrite. C'est quoi? C'est des doigts qui crochissent. Qui crochissent? Par la vieillesse, hein, puis l'humidité se mêle là-dedans. Les ongles là, font trois tours dans les pilons. Connaissez-vous les pilons? Les pilons? Je connais les nuits les plus longues, mais... Non, les pilons, c'est... OK, vous allez... Il y a le doigt. Oui. Ensuite, il y a la conjoncture entre le doigt et l'ongle. OK. Là, il y a la cuticule. Et là, ça tourne là-dedans et ça va remonter dans l'ongle et dans le doigt. Et avec ça, moi, je peux tricoter sans aucune aiguille. Moi, c'est, je laisse ça aux mineurs, moi, les aiguilles. Pourquoi que j'ai jamais vu un mineur avec des aiguilles, là? Quoique, des fois, on continue, on y va, on est fatigué, mettre des aiguilles, oh oui! Mais sinon, j'ai pas vu personne avec des aiguilles. Mais moi, j'ai gagné la tricotine 2012-2013, mais là, la fin 2013, là, oh mon Dieu, j'ai mal. Puis là, on dirait que plus je souffre, plus j'aime ça. Là. Mon médecin m'a dit, il tue, j'ai dit, ben j'espère d'être, sinon je ne serai plus. Ouais, ça, c'est... Ben, on m'a dit que je suis une tricoteuse à l'âme philosophique. Hein? Saviez-vous ça, M. Grenier? Non. Ben, je vous l'apprends. Puis, si vous voulez que je vous fasse trois trucs en laine de Tom Waits, là, je vais vous le faire. Parce que la tuque, c'est pas du tout... Excusez-moi si je me répète. Là. Étiez-vous en train de dormir? Non, mais on fermait les rideaux. Vous fermez les rideaux? Laissez-les ouverts. Puis, je vous conseille fortement. Très fortement, le plus fort que ça, là, on va réveiller les voisins, de placer des bougies silencieuses. Juste par leur lumière, ils feront syntoniser la création. Et quand on appelle la luminosité divine qui vient tomber ce soir, là, c'est le divin Cierge. Cierge Pascal, non, c'est peut-être aussi, là. Mais c'est Cierge Reggiani. Ah, quel beau chanteur. Oui, mais lui, excusez-moi de me répéter, pour les gens qui m'écoutent depuis Belle Lurette, c'est une nouvelle prise, la Belle Lurette, hein, c'est bien ça, là, c'est dans Calma Outra, là, Belle Lurette, c'est la page 17. C'est une prise de cheveux. Ah, mon Dieu, ça fait... Ouais. Mais là, c'est pas le moment de parler de prise de cheveux. Comment, oui. Ma coiffeuse me l'a dit. Continue comme ça, toi, là, puis tu vas ressembler à... Non. Mais, on peut pas le nommer. Hey, ce soir, je suis excité comme une lycéenne en sortant du bac à vidange. En disant, j'ai trouvé mon cellulaire, tant mieux. Ça sent le gorgeur, ben c'est normal, ça. Imaginez-vous, c'était dans la poubelle, à côté des plures de bananes. Ah, mon Dieu, plures de bananes, oui. Puis là, le monsieur qui est le concierge m'a dit, amène les plures de bananes. Comment ça? Avec les plures de bananes, il allait faire de l'artisanat. Lui, il fait brûler ça, les plures de bananes, parce que ça doit sécher, brûler, couper, ramasser, cuit à 300, tu places de l'eau, là, tu la fais bouillir en l'appelant, des incantations d'eau. Quand tu fais ça, tu amènes l'eau à s'élever. Tu te places à 3 mètres. Là. Tu t'en passes tranquillement. Faut pas que la langue touche, hein, parce que sinon... Ça fait mal. Runde, je l'ai déjà fait. Runde, le fun, excusez-moi. Runde, on y va. Runde, la runde, sumba, la yamma, c'est comme ça, là. Runde, la bulle. Je cherche trois d'autres. Avant, j'avais 4 borlots comme ça. Là, j'en ai juste 2. Ah, on va faire ça de chaque côté. Elle ne plus. Elle n'a plus, ça bouille un peu, là, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour brancher ça sur l'électricité. On doit faire pédaler Mme Tremblay, puis elle n'est plus capable. Elle a les genoux terminés, puis elle vient de se faire opérer, chirurgie d'un jour, là. Oui, chirurgie d'un jour, cri de toujours, là. Elle a mal. Mais je lui dis, hein, restez calme. Pédaler, restez calme. Elle dit, pourquoi c'est moi qui pédale? Parce que c'est à votre tour là, de vous laisser faire pédaler l'amour. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Madame les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes, bienvenue, impudique, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà commencé. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Gagné. Tu ne te souvenais plus? Non, mais... Je ne me souvenais plus, mais quand même, la chanson, là, on y va. La terre tourne, tourne, tourne, et moi aussi. La terre tourne, tourne, tourne, je suis ravi. La terre tourne, tourne, tourne. C'est ça la vie, car la terre est en retour, retour, ainsi. C'est le succès. C'est le succès instantané. Entendez-vous les tibidous tomber? J'entends les tibidous tomber. J'entends les tibidous tomber dans l'eau. L'eau qui va bouillir. Tibidou. Moi, je viens de la bitibou. Moi, viens de la pititibou. Moi, viens de tibou. Kibou, tititibou. Moi, j'ai rose les tibou qui tombe les tibou. Aujourd'hui, le vendredi 20 décembre 2013. Enfin, on va tourner la page. Il faut tourner la page, trouver le courage, de se rendre au lendemain. Hein? Hein? Ah, on continue. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Jean-Pierre Coffre. Jean-Pierre Coffre, pas Coffre, mais Coffre. Jean-Pierre Coffre, excusez-moi, monsieur Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Coffre. Jean-Pierre Coffre est un animateur de radio et de télévision, auteur, cuisinier et comédien français, né le 24 mars 1938 à Lunéville. En 1976, Jean-Pierre Coffre ouvre successivement à Paris le restaurant La Ciboulette, puis le Modeste qui devient un lieu prisé de la nuit parisienne. En 92-93, il fait ses premières apparitions ayant pour thème la cuisine dans La Grande Famille de Jean-Luc Delarue et Demain de Michel Denisot. En 2003, Jean-Pierre Coffre rejoint Michel Drucker sur France 2 où il est chroniqueur dans l'émission Vivement Dimanche. Jean-Pierre Coffre travaille aussi à la radio de 98 à 2008. C'est là que je l'ai rencontré, que j'ai rencontré l'homme à travers la radio. Il anime l'émission « Ça se bouffe pas, ça se mange ». C'était excellent, sur France Inter. À Paris, en 2003, il rejoint toujours et encore Michel Drucker sur France 2, où il est chroniqueur culinaire dans l'émission « Vivement dimanche ». Je l'ai répété, ça. Le 5 septembre 2012, il annonce qu'il quitte l'émission afin de se consacrer à l'écriture. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste extraordinaire, merveilleux et surtout rempli d'humilité. J'ai dit d'humilité. Et j'ai la dent qui crochit et j'ai la langue aussi. Et Jean-Pierre Coffre, c'est quand même quelqu'un qui m'a surpris. Et je suis encore très, très, très heureux. Ça reste un souvenir mémorable et j'espère que ce que vous allez entendre vous plaira autant que moi, j'ai eu de frivolité et intellectuellement de capacité à comprendre ce qu'il me disait malgré quelques obstacles culinaires que je n'ai point, quoique je me consacre de plus en plus à l'acte de cuisiner, seul dans mon lit, avec le pot de beurre d'arachide et le pain tranché. Ça tranche, Gaétan! Oh, attention, pour les nostalgiques, c'est le temps là, de se parler entre nous. Rita, ça fait 3 ans que je ne voulais pas te le dire, mais j'ai le goût de danser avec toi et Reynald me l'amène à la propre... Comment? Il me l'a... Pardon? Est-ce que je peux parler à Gaétan? Oui, ça ne sera pas très long. Gaétan? Oui? Bon, c'est Jean-Marc. Oui? Bon. Hey, ça va bien, Gaétan? Oui. Ouais. Hey, Gaétan, t'es au cellulaire? Oui. Es-tu très, très près d'Errance Rénaldienne, les stations, le studio d'Errance Rénaldienne? Oui. Peux-tu venir parce qu'il y a une chanson qui va jouer dans quelques minutes et j'aimerais tellement la danser avec toi, ma chérie? Oui. Oui, je veux te refaire une demande en mariage. Oui. On n'est jamais mariés, on n'est pas encore mariés, hein? Oui, on est mariés, voyons d'autres, oui. Oui, j'ai perdu quelques bouts, voilà. Mmh. Disons qu'on n'était pas mariés, on n'a jamais été mariés. Mmh. Hey, dis donc non, s'il te plaît. Je t'ai acheté une bague pour nous souvenir de notre amour. Mmh. Une bague en chocolat. Mmh. On va pouvoir se la diviser. Mmh. Hey, moi, j'aime ça qu'on se la divise comme ça. Ça me rappelle lorsque nous t'es... Oui, on n'a plus le temps. On était enfant. OK, c'est ça, enfant, pas de temps. Je me suis trompé avec pas de temps. Enfant. Quand j'étais impotent et enfant. Ah! Incontinent jusqu'à l'âge de 23 ans. Ah, c'était merveilleux. Et c'est toi qui, de couche à couche, me découvrais. Tu t'en souviens, ma belle? Bon. Alors, si tu voudrais venir, là, il y a M. Domino qui risque de ne plus jouer longtemps du domino. Parce que la chaise risque de flancher. Parce que c'est fat domino, mais c'est pas parce qu'il est gros. On n'a pas eu de budget pour placer la petite Émilie Simon a déposé son fessier là-dessus. C'est une hirondelle. Monsieur Domino, c'est un bûcheron, là. C'est quelqu'un qui. C'est pas. Fring, fring, fring, fring, fring. Émilie Simon, c'est fring, monsieur. Alors j'aimerais que tu viennes pour que nous puissions danser avant qu'il tombe en bas du piano et que l'ambulance vienne le chercher. Alors tu arrives à nous? Excellent. Alors à la maison, si vous avez une épouse, une sœur, une mère, un beau-frère, je sais pas, au pire, votre caniche, prenez-le. Placez-le devant vous. Maintenant, c'est la déclaration. Que ce soit canin, peu importe, on peut aimer son chien. En anglais, c'est like. Love pour un... Ici, c'est aimer, aimer, aimer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On s'aime pas qu'il mange son dent. On s'aime. Alors, préparez-vous. Alors, moi, je place mon miroir, là. Oh, excusez-moi. Oh, c'est propre, ce miroir-là. Hein? Je regarde-moi pas de main, toi. C'est mon visage. Ah! Je t'aime. Bon. Je t'aime. Belle face, Domino! On va faire du mot. Oh, on va danser ensemble. Vous, c'est Kairébien et moi. Bonne soirée. On se retrouve après. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Where I it lingered melody. Put all of those vows we made were never to be. Though we're apart, you're part of me still. Ça, c'est Elvis Presley. Monsieur Coff. Vous allez bien, je suis en retard, je vous demande pardon. Aucun problème. Dites pas emmerdant qu'on soit dehors. Non, pas du tout, c'est pour ça que je me place dehors, pour le son d'accord. Ambiant. Ah ben d'accord. Est-ce que ça vous dérange, vous? Ah, pas du tout, c'est pour le son. C'est pour ça. Ah bon? Oui. J'aime bien le son urbain, ça met plus de vie. Ok. Alors comment ça va, vous? Ça va pas mal. Ça va pas mal? Oui. Ben, c'est bien. Ça va plutôt bien. Même. Oui, ben oui, j'ai lu sur vous, c'est assez impressionnant. Pourquoi? Ben, votre vie, votre parcours, votre cheminement. Alors, j'ai un problème, c'est que je ne vois pas de sincère, je ne peux pas à moins que vous ayez quelque chose de très très beau. Mais je trouve ça en blanc? Oui, oui, oui. Je l'ai en rouge aussi. Non. Non, non, on reste en blanc. Je peux faire un petit chablis, je peux faire un... Ah oui, voilà. Petit bien. Chablis, très bien. Vous pouvez y fumer aussi, c'est pas mal. Non, j'ai mis le petit chablis. Ok, merci. Oui, je veux bien. Mais c'est bizarre que vous parlez du blanc parce que dans votre disque, vous dites que le blanc n'est pas de mise. Oui, mais. Il y a des heures pour tout. Ok. Alors le blanc, c'est pour le midi. J'ai plutôt tendance, moi, à boire du blanc toute la journée, mais... Le rouge... Enfin, j'ai rien contre le rouge, évidemment, mais... Non, le blanc, parce que le rouge, vous le vampez, vous l'amenez vraiment vers des cieux. Oui, mais... C'est un peu par opposition à tous ces Américains qui boivent du mauvais blanc, mmh. Ah des oui. Blancs italiens plutôt médiocres, mmh. Etc. J'aime des blancs, évidemment. Vous avez écouté le disque? Ben oui, ah ben oui, en boucle. Ah, vous savez que je vais le jouer? Oui, vous allez le jouer, je sais qu'on l'a déjà joué. Je repars, là, en tournée. Ok. Je vais le lire seulement. Merci beaucoup. Pour combien de soirs? Ben là, je vais le jouer. J'ai joué en Suisse, à Lausanne. Avant, je vais le jouer là le mois prochain, en août. Excusez-moi, je voulais vraiment vous. Bonjour, vous êtes gentil. Merci. Merci beaucoup. Et je vais jouer au Mans le 7 ou 8, et puis après j'arrête pendant, et je recommence seulement l'année prochaine au mois de janvier, je jouerai un vendredi et un samedi sur deux. Ok. À quel endroit vous allez jouer Au Mans, là, le 7... Et puis, en fait, vous allez le jouer ou vous allez le lire? Jouer okay. avec un accordéoniste. Ah, c'est bon, ok. Avec un très grand accordéoniste, Lionel Suarez. Et voilà. Et là, j'aimerais parler de vos débuts parce ça que. Ça tourne, ça? Oh, oui, ça tourne. Ah bon. Oh, oui, oh, oui. Il n'y a pas de problème. Hein. Chez moi, c'est la bonne franquette. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est... Ok. C'est en continuité. C'est comme le ciel quand vous regardez. C'est à l'infini, donc cette émission-là, c'est comme ça. Il n'y a pas de structure, donc c'est... Mais je suis très heureux de vous accueillir à mon émission, à CKRL, qui est la première radio communautaire francophone au monde. Donc, elle a eu 40 ans en 2013. Vous vivez à Paris, vous? Non, je vis à Québec. Ah bon? Je suis un Québécois de Québec. Ah, formidable. Oui, mais je viens ici à chaque année. Vous venez 2 mois? Non, non, non, je viens 8 jours. Ah, vous groupez les interviews? Ah oui, oui, là j'en ai 40 là, en 8 jours. Pas vrai. Ah oui, c'est fou. C'est fou, mais c'est bien. C'est bon. C'est vivifiant. Je retourne chez moi avec des idées, des gens, des souvenirs. Donc c'est ça la vie. C'est... Mais moi je suis un gars de très très concentré, donc je veux vivre les choses intensément. Oui, mais. Il oui. n'y a que comme ça qu'on vit, c'est dans l'intensité. Oui, voilà. On vit dans le calme, c'est pas drôle. Non, c'est pour ça que je voulais vous rencontrer. Vous êtes l'homme de l'intensité. Ben, parce que je pense que c'est une nécessité de vivre dans l'avenir, en tout cas. On ne peut pas vivre dans le passé. Le passé, c'est terminé. Le mieux même, c'est n'y pas penser. C'est vrai. Moi, il y a des tas de choses que j'ai oubliées de ma vie. Pas seulement des choses malheureuses, d'ailleurs, mais des choses très, très heureuses, mais... Volontairement ou involontairement? Forcément, un peu volontairement, mais pas comme quelque chose d'absolument essentiel dans l'idée qu'on va, on va plus y penser. C'est au contraire... Peut-être parce que c'est pas essentiel, peut-être parce que... Je pense qu'il faut se souvenir non pas des événements, mais des gens qu'on a connus. C'est des personnes dont il faut se souvenir. De leur qualité, de leur beauté. De leurs défauts aussi. S'ils sont des qualités. Ok, okay, si les défauts deviennent une qualité. Voilà. Si le défaut, c'est tellement... le défaut exceptionnel, c'est... vous voyez, c'est... c'est devenu une qualité, par exemple. Excusez-moi, monsieur. Je vais faire ce petit ici. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je voulais manger. Là, j'ai un copier de vous. Hein? Là, j'ai un copier. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Le... Moi, j'avais un ami qui était Jean Carmet. Grand comédien. Ah oui, un très grand comédien, qui était un personnage incroyable. Dans la vie aussi? Ah, il était plus que ça dans la vie, c'était, il était génial. C'était un homme tellement inattendu, c'était un homme de bistrot, c'était un homme de rencontre imprévue, insolite, c'est-à-dire que... Il pouvait se mettre au comptoir, là, et il aurait entamé la conversation avec tous les gens du comptoir, et il en aurait tiré des anecdotes extrêmement savoureuses. Et il avait la réputation de boire, ce qui n'était pas toujours exact, ça arrivait, mais quand il tournait, par exemple, il ne buvait pas du tout, il faisait faire des tisanes. Alors il avait plusieurs thermos et il emmenait des thermos de tisane. Mais quand il ne tournait pas, il lui arrivait de boire, et il disait, je disais moi, que je ne connaissais personne qui pouvait driver une cuite comme lui. Ok. Ça pouvait durer 48 heures où il buvait, avec un changement très inattendu de son... Comportement? De ce qu'il buvait. Non, okay, non. Ok, dans les goûts, ok. Ah non, non, non, okay. Pas du tout. Non, par exemple, on pouvait boire du blanc pendant toute une soirée, et puis tout à coup, il disait, je vais boire un picombière. Pas pourquoi, pour se laver, puis après prenait autre chose, et puis c'était un personnage assez fascinant, et c'est lui dont je me souviens. parce qu'il est mort malheureusement, et que je me souviens que de moments drôles, les moments où il était triste, où il était... Là, je, voilà, c'est à quoi je pense. Vous avez commencé il y a quelque temps, pas si longtemps. Et... Ah ben si, j'ai 75 ans, oui. Alors effectivement, ça fait une paye. Oui, mais vous avez été militaire avant tout. Non, non, j'ai fait 36 mois de service militaire, mais c'est au moment de la guerre d'Algérie. Donc oui. Moi, j'ai jamais été militaire de carrière. J'ai fait un journal antimilitariste. Exactement, alors, pendant trois numéros. Ça s'est arrêté là. Ah ben parce qu'on nous a interdit, c'était un journal antimilitariste... qui était édité par des militaires, ça paraissait quand même une chose assez folle. Mais c'était quand même assez exceptionnel aussi. Parce que ça, il y a un ancien ministre qui était Max Gallo. Oui, Max Gallo. Qui était avec nous. Oui. Ah, il fait semblant de plus en souvenir maintenant. Ah oui, il est à l'Académie française. Oui, mais ça paraît mieux. Hein? Il faut oublier certaines choses pour bien paraître dans notre société aujourd'hui. Moi, je crois pas. Non, non, vous êtes intègre. Non. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité, madame? Ben, c'est d'être fidèle à soi-même. Ne pas nier ce que l'on était avant. Non? Respectueux de ce qu'on est. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat! Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it. For the money, two for the show, three to get ready now, go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Avez-vous remarqué que Jean-Pierre Coffre m'appelle Mademoiselle? Et je dois dire pourquoi. Je sortais de l'avion. Je portais ma robe, mon rouge à lèvres, mes fossiles. Et parce que je devais passer pour Dalida. Mon passeport était signé Dalida. Et j'avais ma conjointe qui, elle, s'était déguisée en homme et qui me disait toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots fragiles, les mots d'agir, c'est bien trop bon, bien trop bon. C'est fini, le temps de fatal, le parti s'éloigne, quand on les oublie, aïe aïe, paroles, paroles, paroles, Jean-Pierre. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Jack Kinsley a pris l'escalator en direction de la buvette. Oh, c'est de la bavette, de la buvette, de la buvette, de la bavette, de la buvette, de la bavette. On dansait trois par trois en sentant la buvette. Comment? En sentant la buvette, satana, satanique, satanou, sataline de l'époux. On comprend pas ce que tu veux dire. Là. On comprend pas le début d'improvisation. Peux-tu répéter? Oui, très sagement. Jack Henley a pris l'escalator en direction de la buvette. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il nous avait pas dit, l'insignifiant, c'est que la buvette avait un problème très important d'écoulement. Elle pleurait sans cesse. Du verbe cesser, sans cesse. C'est une nouvelle marque de condom. Non, ça c'est Ramsès. Sans cesse. Il va longe-moi donc, sans cesse. Oui. Je peux-tu te prendre le 117, s'il vous plaît? Ça, c'est la colonne vertébrale. Eh bien, comment? Vérénale, il y a trois colonnes. Lui, c'est un colon. En partant, on le prend, on ne le manque pas. C'est le colon le plus heureux de l'être, là. Et moi, là, je suis pour la séparation du Québec, moi, là. Ouais, je suis un colon, ouais, regarde. Regarde, je suis un unilingue francophone. Tellement francophone que je suis unilingue. Puis je maîtrise pas mon unilinguisme, mon monilinguisme, comme disait Buzzy Osborne. C'est Marie-Claire Buzzy. Elle dit, moi, j'ai étudié le body language, en tout cas. La formation de ta bouche, de ton corps, vis-à-vis tes mots. J'aurais dû lui demander, tu sais, Sarkozy, là, lorsqu'il s'est présenté au pupitre, je pense que c'était pendant les 116, 117, je sais pas, l'ONU, on s'en balance, puis là, il parlait, puis là, excusez-moi, j'ai soufflé, mais... Peux-tu me raconter son body language? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, là? Est-il vraiment exclu? Bon, il y a des ragots, là, des anti-Sarkozy, Carla Bruni. Carla Bruni sera à Québec, a été à Québec, va chanter une chanson, des chansons, un spectacle, un mandat. Quelle horreur! Moi, mon copain a des lunettes, moi, mon copain n'a pas de yeux, moi, mon copain y a de la burette, moi, mon copain cul d'abouveau. Mon ami, chacun son tweet, tout l'eau. Hey, Carla. Carla, ma belle Carla, m'a te le dire ce qu'il faut se dire. Continue pas à chanter. Joue dans des films de Woody Allen, la troisième récipiente, celle qui passe avec le chien. Fait lui faire son petit pipi, il retourne. Sans dialogue, rien, vous passez très bien à l'écran. Continuez vos photos, là, vos belles photos de modèles. Mais Jack Henley, devant sa buvette, se l'avait fait faire. Ça va bien, ça va faire, toi, là, tes communications bizarres, là. Jack Henley, tu connais la buvette? Oui, bien, en fait, je connais le visage de buvette. Oh, mon Dieu, il a fait un concours. Il a présenté ça aux Olympiques en 2001. Le visage de buvette, mais personne, ils ont de la difficulté à autoriser le tennis sur table. Est-ce que c'est un sport olympique, le tennis sur table? Pas du tout. Le tennis sur pied? Non. Le tennis tout court? Non, même pas. C'est vrai? Moi, j'aimerais voir, aux Jeux olympiques d'été, le golf. Puis là, t'attends. Puis là, t'attends. Il semble que c'est long, là. La balle part, puis bon. Troisième trou, deuxième dame. Ah, mon Dieu. Mais là, mon ami John Burgle, qui voulait dévisser des buvettes, parce que c'était le représentant des buvettes. Un grand représentant, le 6 pieds 3. Il rentrait en dessous là, en se pliant en quatre. Puis là, avec son petit machin pour... Oh, moi, j'ai un petit machin, là. Puis il prenait son petit machin, mais je dévisse le petit machin, là. Là, ça dégoulinait sur lui, puis là, il goûtait l'eau. Il me semble que l'eau est rouillée, là. Oh, cuvée 92. C'est du blond, du rouge. C'est du rouge. Oh, du rouge bien sapé. Puis là, avec son... Il avait toujours son petit berlingot. Il plaçait en dessous pour cueillir le zeste. inceste. Zeste de zou, c'est comme vous voulez, ce n'est qu'un zeste, un zeste de zou. Si vous voulez, on zou, avec ou sans vous, on peut se rassembler, toi, moi, nous et vous. Non, pas aux anciennes, du plan des rendez-vous, je vais te le dire ancienne. Le titre, c'est Q et quand et le bonheur chez soi. Q et Kent et le bonheur chez soi. Ça va changer encore, mais non, c'est Q et Kent et le bonheur chez soi. Chez soi? Moi, j'ai pas le choix, moi, de parler de même. Moi, j'ai fait une carrière politique avec cette prononciation aussi incongrue que singulière. Et j'ai dit à mon public, je suis peut-être un chrétien. Vous vendrez peut-être mes balles avec la feuille. La feuille de Guy jusqu'au petit roi, Jean-Pierre a donné aux gens de chez moi. En Syrie, en Somalie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus. Aujourd'hui, parce que nous avons déjà été. Donc, nous sommes le résultat de ce que l'on a été aujourd'hui. Ben, on est la conséquence, en oui, tout cas, voilà, de ce oui. qu'on a été. Effectivement. Ce sont des petites... Alors, je ne sais pas si ce que... Je ne sais pas si votre réflexion est aussi juste que ça, parce que... Oui, moi qui ai fait tellement de choses dans ma vie, et... Des choses tellement inattendues que est-ce que d'avoir fait cette chose X, ça sert à mon moment Y, j'en sais rien du tout. Je pense qu'on les accumule, et que c'est les strates. C'est un peu comme la terre finalement. Vous avez de la terre, vous mettez du fumier, sur le fumier vous mettez du mulch. Et puis ensuite, vous avez en dessous le fumier dans la terre, vous commencez à avoir de nouveau des vers de terre. Exactement. Et donc, c'est ça la régénération, quelque part. Ah oui, oui, oui, oui. J'ai appris quelque chose dans votre livre. On va fonctionner peut-être dans le passé, dans le futur, peut-être. On verra où le chemin nous amènera. Mais je sais que, en fait, j'ai appris en vous écoutant sur votre CD que, et ça m'a surpris, qu'on changeait les bouchons régulièrement. Ah oui. Mais là, ça, c'est des grands crus, là. Ah ben oui. OK. Là, c'est pas la peine. Bon, mais il n'est pas destiné à se conserver. OK. Mais comment on retire le bouchon et on applique un autre en enlevant l'oxygène à l'intérieur ou... Non, on enlève le bouchon, on en remet un autre. OK. Mais pourquoi, chez moi, si j'ouvre une bouteille de vin et je remets le bouchon, quelques jours après, le goût n'est pas le même, le goût est modifié? Parce que vous l'avez laissé trop longtemps ouvert. Ah oui, OK. Là, ça dure un instant. Okay, hein. Okay. On le retire, on le remet. OK. Et puis ça, est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui? Ah ben, dans les coffres bien tenus, il vaudrait mieux le faire. Oui, si vous avez... Mais je pense que maintenant, si vous voulez, le vin a... La vinification a beaucoup évolué. Et je pense qu'on garde des vins moins longtemps. Vous voyez, si on... Alors, on peut goûter demain une bouteille de Madère 1804, pourquoi pas. Mais... Le bouchon sera sûrement abîmé si on n'a pas changé. Et puis la bouteille, c'est pas le moyen de conservation idéal. Il faut bien, le vin, il s'oxygène par la bouteille, par le bouchon. Enfin, il y a échange à la fois thermique et surtout d'air, d'oxygène. On ne faisait pas les vins de la même manière dans le temps. Maintenant, on fait des vins extrêmement modernes qui sont prêts à boire. Ouais. Donc, on ne les attend pas. Ouais. Vous voyez, par exemple, il y a un vin dont certaines personnes disent qu'il n'est pas bon. Moi, je ne suis pas de cet avis, mais enfin, c'est les vins de Depardieu. Moi, j'ai goûté une cuvée Cyrano qui a 12 ans, donc c'était, je crois, l'année où il a fait pour la première fois son vin, vinifié avec la rafle. C'est admirable, parce que tous les tanins sont assouplis, sont, révélés, imbriqués les uns dans les autres, et ça donne un vin formidable. Mais d'abord, on érafle la majorité des grands vins, c'est rare qu'on fasse encore macérer avec la rafle, parce que ça demande une garde plus longue. Donc je crois qu'on boira encore des vins du siècle dernier, mais du siècle précédent. Ça m'étonnerait qu'on boive encore des vins du 19e, on boira des vins du 20e, et jusqu'à quand? Et que pensez-vous des bouchons dévissables? Je trouve que ça fait un bon moment qu'en Suisse, par exemple, on utilise des bouchons à vis. On ne garde pas les vins, d'abord, de toute façon. Dès l'instant, on est avec les petits vins, mais j'entends bien que le petit vin n'est pas un vin médiocre. Le fait non. Que c'est un petit vin, le vin du peuple. C'est un vin de soif, le vin du quotidien, le vin de plaisir. On peut avoir du plaisir avec un Condrieu, on peut avoir du plaisir avec un Ermitage blanc, avec un Châteauneuf du Pape blanc, mais rien ne vaut aussi. Mais les vins de tous les jours, les délices vicaires que vous buvez le matin votre saucisse, que vous buvez à 4h d'après-midi parce que vous avez soif et que vous n'avez pas envie de boire une bière, voilà, c'est à peu près ça. Donc ces vins-là, ils sont très très bien avec la pâte de vis, ça ne change rien d'ailleurs. Il y a des c'est hermétique le pâte de vis. Mais malheureusement, on sent que le protocole n'est plus là, ouvrir la bouteille, le son que peut faire le bouchon lorsqu'on l'extirpe de la bouteille. Trouvez-vous que c'est un peu la mort de la... Est-ce que le protocole intervenait beaucoup dans le plaisir qu'on a à boire? Ben, peut-être le son du début, hein, ça. Non, ça donne... parce que la qualité ne sait pas faire de bruit quand on tire un bouchon. Ah oui. Alors, le problème, c'est est-ce que il est où le plaisir? c'est comme dans l'escalier, on vous dit le meilleur moment, c'est quand on monte. Mais en réalité, je trouve que quand on attend trop longtemps un vin, c'est quand vous êtes dans un restaurant, vous dites tiens, je vais commander ça, je vous dis n'importe quoi. Non, oui. À imaginer qu'on soit amateur de Pétrus et qu'on dit je veux boire un Pétrus, j'aimerais mieux boire un Figeac. Enfin, prenons le cas d'un Figeac. On commande un Figeac. Puis on dit mais là, il y a un type qui vient faire un numéro, il le met dans un panier, mais s'il ne l'a pas mis dans un panier dans la cave, ça ne sert à rien. S'il l'a monté comme si c'était une bouteille de comptoir, alors qu'en réalité, il aurait fallu le mettre dans le panier. Dès qu'on le sortait de du casier, on le met dans le panier, puis on le monte comme ça. Bon, très bien. Et quand il est là, le truc, ben vous savez, vous regardez la bouteille, effectivement, il y a toute une atmosphère qui s'installe, mais si vous êtes chez vous, c'est très bien. C'est la raison pour laquelle moi, je prétends que les grands vins, il faut presque les boire en solitaire, ou il faut les boire à deux. Le plaisir onaniste. La masturbation, c'est pas désagréable. Non, au contraire. Hein, ben alors, ça procure du plaisir. Alors, pourquoi est-ce que finalement vous ne boiriez pas tout seul, puisque le résultat, c'est le plaisir. Enfin, c'est le but. C'est quand et même c'est aussi plaisir. De faire connaître à d'autres. Si vous l'avez apprécié. Non, l'idée, on ne fait pas de pédagogie avec les grands vins. Non, mais entre amis, j'ai goûté quelque chose d'épatant, je veux te faire partager. Vous l'avez goûté, mais vous n'êtes pas obligé de le partager. Vous voyez, j'ai partagé un jour, j'ai fait une connerie dans ma vie. Okay. Une de mes amies, qui est, qui est la propriétaire de Talbot, et à l'époque, la famille Cordier avait Talbot, Gros Larose, etc., ils avaient la forêt Perraguet. Et elle m'a offert une bouteille de Laforie Perraguet, 38, mon année de naissance. Oh. J'ai voulu le partager avec mon jardinier qui n'avait jamais bu de vin moelleux. J'ai constaté que c'était une connerie monumentale. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il y avait une émotion puisque c'était 38, mon année de naissance. Ça faisait un vin qui avait 70 ans quand même. C'est pas rien de boire ça. Il y avait des arômes qu'il n'a pas compris, il y avait une texture qu'il n'a pas compris, il y avait tout ça, c'est une connerie, il ne faut pas boire avec des gens qui n'y connaissent rien. Des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais bu, il faut leur donner un petit chablis pour commencer, de façon à ce qu'ils commencent à sentir les arômes, le nez, qu'ils essaient de trouver quelque chose, parce qu'il y a des fois, vous mettez votre nez sur un verre, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arôme, il n'y a rien de ce dégât. Et celui-là, est-ce que... Oui, c'est très convenable, c'est un petit chablis. Mais ça n'est qu'un petit chablis, mais c'est bon quand même. Les vins ont des circonstances pour les boire. Effectivement. Donc, vous dites, moi, les grands vins, j'aime mieux boire un grand vin à deux. Vous voyez, l'autre jour, j'étais chez moi, j'avais un déjeuner de 20 personnes, j'ai ouvert des Figeac. 94, donc il y avait 20 ans. Ben, ça dit quelque chose à 4 personnes sur 20. Le reste, ils disent « Ah, c'est bon le rouge ben, !» C'est pas du tout pareil, vous comprenez. Alors, ça ne sert à rien. Le soir, le même soir, j'ai rebu une bouteille de Figeac à deux. Je peux vous dire que c'était autre chose. Là, il y avait une communion. Ah oui, parce que... La personne avec qui vous étiez avait une culture. J'étais avec quelqu'un qui avait envie de partager ce vin. Mmh. Le vin, c'est du partage, c'est comme la nourriture, c'est pas... On peut se nourrir, mais si vous voulez vous nourrir, vous prenez un œuf dur, puis vous ferez la demi-journée, ça ira jusqu'au dîner. Les tueries dans la brise. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission... Non, j'ai l'oreille qui cille. Depuis une semaine, je ne vais pas vous raconter ma vie et mes problèmes techniques, mais j'ai l'oreille droite bouchée. Puis là, je me dis, c'est un message. J'haïs tellement la droite que c'est celle-là qui se constricte, qui se referme, qui veut me quitter. Tu veux me quitter, je te le dis. Allez, va-t'en la droite, tu n'es plus ici. Mon ami m'a quitté, et c'est toi, je suis heureux. La gauche a vaincu, et vivre, c'est quoi dans la chanson? Non, c'est pas quelqu'un là que je vais imiter, c'est vivre le nouveau Brunswick, moi, côté petite Edith. Edith-la ta chanson. Non. Edith-la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Poup. Edith-la ta chanson. J'ai gagné. Hey, on a demandé quelque chose. Excusez-moi, public. Vous êtes là attentif et vous vous dites, un jour, cette émission-là va lever en ce 20 décembre. Sommes-nous vraiment le 20? Oui, nous sommes 20 blancs en décembre. Chante-la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson. C'est pourri. Il y a eu un silence tout à l'heure. On se demande. Demandez-vous pas grand-chose. OK, il n'y a pas grand. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et prendrons à bras le corps le mot pour en observer la moindre fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Débat. Qui? Débat. Débat. Débat. Débat. Débat. Débat. Je voudrais... Merci, Madame Gauloise. Merci, Madame Gitane. J'aimerais ce soir... avec le colonel, la colonne et elle et la colonne, vous amenez mon plaidoyer pour la légalisation de la censure. Oui, mesdames et messieurs, la censure doit renaître. On doit en couper, on doit en enlever, on doit en extirper, en redemander moins. On ne veut pas connaître la vérité. C'est plus facile de manipuler un peuple qui ne sait pas qu'un groupe d'individus qui en sait trop. Bouchons les universités, fermons-les, coupons les prêts et bourses, rendons-les ignobles. Dans un stade prépubère presque névralgiquement non négociable devant un public minimaliste. Dites-moi, Madame la Présidente, Monsieur le Président, et vous, chers prépubères et prépubères, vous captez la connaissance générale à travers la cime de votre médiocrité. Et c'est pour ça que nous vous avons choisi. Parce qu'on ne prendra pas quand même l'homme ordinaire. Il faut chercher l'être fanfaron, le piéton troubadour qui joue de sa vie et de l'amour comme on joue au tire-bouchon. Non, c'est pas au tire-bouchon, c'est au dé. Au dé du tire-bouchon, pas de dé. Le tire-bouchon, pas de dé. Oui, mais... la pétanque, c'est pas le tire-bouchon, c'est le cochon, le cochonnet. Lorsque vous tirez votre cochonnet, madame, oui. Mais mon mari, je l'ai tiré une fois dans le bord du portique. Je lui dis, va mener tes sandales dans le bain. Comment ça? Ben, c'était tout plein de sable émouvant et je voulais pas salir mon beau parquet. Et puis? Ben, je lui dis, ouais, les pieds dans le parquet, dans le bain. Et? Il s'est couché dans le bain avec ses guédounes, les guédounes, la guédoune. vous l'avez autorisé? Ben, moi, j'ai aucun problème avec ça. Qui salisse pas mon parquet. Oui, mais votre vie? Mon vie, c'est mon parquet. OK. Et vous? Moi, je suis rédactrice en chef de la revue intellectuelle Parquez-vous très droit. C'est de l'anglicisme? Non, parquet, un parquet. Parquez-vous très droit. Parce qu'on place un parquet normalement croche, parce que ça fait des aignes. Aujourd'hui, il faut être des aignes. Il faut être dans le vent. Et moi, contrairement aux autres femmes, je me refuse à ce genre de conformisme qui m'énerve au plus haut point, madame. Vous saviez, non, vous saviez pas, hein? Lise Fayette en 70. Hein, quand elle a écrit son plaidoyer de la femme occupée et des recettes de pudding chômeur, vous vous souvenez de la salle de... Elle disait pas de sucre, pas de crème, du beurre et du beurre et du beurre. Et ça vient faire du babeur au chômage, du chômeur babeur. Comment? Du chômeur babeur, du chômeur babeur. Ça, c'est du dur labeur. Avez-vous déjà vu un chômeur être dans un labeur le plus... Hein? Non, j'avais jamais vu ça. Ben moi, premièrement, là, j'ai jamais vu du babeur, chômeur babeur, OK? Un chômeur chômé, oui. OK. Dans sa sauce. Ah! Oui, madame, là, j'ai terminé mon repas. Je vais vous prendre un pudding chômeur, mais qui chôme pas à peu près, là. Depuis presque 3 ans. Et puis ici, il reçoit, comment t'appelles ça, de la substance annuaire sociale? Ben, j'aimerais que ce soit un minimum, là. Pas trop de choses, parce que moi, ça me tombe sur le cœur, là. Puis j'ai le cœur fragile, avec l'âge, là. Ah, mon Dieu, j'ai la dent creuse et le cœur fragile. Mon docteur me l'a dit. Mange pas de carottes, ça va te rendre intelligent. Il paraît que la carotte rend intelligent. Jean-Pierre Coffe m'a conseillé vivement de tremper ma carotte dans sa cuvée du vin. J'ai dit, j'ai pas un devin, puis on n'est pas le vin, on était le 27 juin, 26 juin. À quel moment je suis arrivé à Paris? Ah, oh, mon Dieu, ils m'ont tiré. Ils m'ont pas tué, là, mais ils m'ont envoyé en parachute. Parce qu'ils continuaient vers Genève, la Suisse, Genève. Parce que Genève, c'est en Suisse, vous ne saviez pas, madame. Alors, ils m'ont lancé. Ils m'ont dit, garde, tu vas arriver là, bon, peut-être à Paris, peut-être un peu plus. Puis là, si tu veux arriver dans les abysses, là, il faut monter et baisser. Puis plus tu baisses, plus tu arrives aux abysses. Puis là, c'est la butte Montmartre. Puis là, si on baisse ou on est dans la butte. Si on est dans la butte, on est dans le haut. Si on est à baisse, on est dans le bas, là. Dans la craque. Alors là, je me suis centré dans la craque. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Coff. Attends un peu. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Coff. Making all that noise. extrait du livre de Jean-Pierre Coff, Descente au plaisir ou Souvenir d'une bouteille. Oh, j'ai un peu honte de parler comme ça devant toi, mon pauvre Nabu. Nabu, c'est le grand contenant. 15 litres, 20 bouteilles. Je l'ai surnommé Nabu. Enfin, Nabucodonosor, c'est trop long. Sa vie a pas été marrante, hein, lui. Tu me fais de la peine avec ton abat-jour sur la tête. Tiens, je vais essayer de te redresser le chapeau. Oh, y a rien à faire, il tient pas droit. Ah ben normal, il a plus de goulot. Un coup d'épée. Oh, un maladroit qui a voulu faire le malin et le sabrer avec un couteau de cuisine. Il a raté son coup, une vraie boucherie. Le pauvre Nabu a été décapité, plus de goulot. Ah, la vie des champenoises est dangereuse. Mais t'étais pas vraiment champenois, toi, Nabu. À part la forme, mais pour le contenu, t'étais plutôt mousseux. Et encore, mousseux, c'est beaucoup d'honneur. Enfin, t'étais bulle, disons. Bulle pour tous les gogos qui s'imaginent que si ça pétille, c'est naturel et que c'est du champagne. Ah, il a fait les foires, le Nabu, tous les jours une ville. Ah, c'est dangereux. Bah oui, dangereux, eh oui, pour les bouteilles, pour les humains, c'est pareil. Les plus gros sont pas les plus résistants. Bouteille factice, c'est préférable. Et c'est moins dangereux. Question de choix. Les foires, on voyage, on voit du pays, on fait des connaissances. Mais il y a du danger. Bouteille factice, debout dans la vitrine d'une épicerie, sous des néons pour attirer le chaland, c'est fatigant, mais on s'emmerde. T'as été connu, toi, Nabu, dis... Bah, dis pas le contraire. T'as été dans tous les journaux, t'as même fait la une de l'équipe. Oh, bah, la gloire, quoi. Il a été secoué par un champion automobile lors d'une victoire au Grand Prix de Pau. Ah, c'est plus honorable que de faire le tour de France dans une caravane publicitaire, debout sur une voiture à prendre des cailloux sur la gueule lancés par des petits cons. Ah, vous avez une drôle de vie, vous les grands contenants. Vide, on vous colle une lampe électrique dans le goulot et un abat-jour publicitaire sur la tête. Plein, avec du bon vin, on vous respecte, on vous bichonne, on vous garde le plus longtemps possible. Bah, du fait de votre taille, le vin vieillit moins vite, la belle vie dure plus longtemps. Mais si par malheur, on vous remplit avec de la vinasse, on vous traite comme une pute. On se fait manquer de respect de temps en temps, ça fait envie. Mais c'est un privilège préservé aux champenoises, nous les bordelaises, les millésimés surtout. Sommes rangés dans un casier. Pour 10, 15, 20 ans, quelquefois plus, on nous respecte. I got no friends 'cause every to hide. I went to church incognito when everybody rose. The Reverend Smithy, he recognized me and punched me in the nose. He said, no more Mr. Nice Guy, no more Mr. Clean, no more Mr. Nice Guy. Vous avez fait dire à votre émission « Ça se bouffe pas, ça se mange ». Oui. Et c'est là que je vous ai connu sur France Inter, parce que j'écoutais France Inter chez moi à Québec. Et tout ça a duré 10 années. Et vous nous faisiez connaître la France profonde. Et vous êtes monté sur les barricades lorsqu'on a voulu retirer la queue aux cerises. Et j'étais devant mon poste et je me suis dit... Quel homme peut arriver à nous amener cette effervescence-là pour un fruit? Comment vous comment avez-vous pu prendre position aussi drastique pour la cerise? Vous étiez comme en communion avec... C'est pas la cerise que je défendais en l'occurrence. C'était la queue. Non, c'était le principe... de ne pas laisser la nature faire. Okay. À un moment, si vous voulez, si vous mettez un produit dans les racines et que vous transformez l'intégrité physique de quelque chose, c'est comme quand vous faites de l'huître qui ne se reproduit plus. Okay, ouais, ouais. Je veux dire. Pourquoi il y a... Ben voilà les conséquences, c'est qu'il y a tous les emmerdements qu'on a et on a à cause des huîtres triploïdes. Donc si, je m'en fous que la cerise est utile ou pas, mais simplement vous pouvez plus faire de cerise à l'eau de vie, parce que vous pouvez plus les prendre, vous pouvez plus faire de compote de cerise, parce que prenez avec la queue, même si elle est amputée un petit peu, la queue n'empêche qu'elle est indispensable pour la goûter. Que la queue, c'est... Si vous n'avez plus de queue, les petites filles pourront plus apprendre à se mettre des boucles d'oreilles. Oui. Mais c'est ça, c'est l'atteinte à l'intégrité physique. C'est comme les Russes qui ont essayé de faire des pommes sans queue, qui se détachaient tout de suite. Parce que pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand la queue, quand le fruit est mûr, c'est un système naturel qui a été créé comme ça, le fruit tombe, la queue se détache. Ou en tout cas, on peut l'accueillir extrêmement facilement. Dès l'instant où vous mettez un produit et que la queue, enfin, le pédoncule, disons, se sépare du fruit, à un moment donné, c'est que vous ne laissez pas faire la nature. C'est toutes ces conneries-là. C'est quoi les conséquences? C'est qu'actuellement, vous trouvez des abricots alors qu'il n'y a pas eu un jour de soleil. Et qui sont cueillis depuis déjà un mois et qui sont dans des chambres froides où ils ne mûriront jamais. Je ne sais pas comment on va faire des confitures cette année. Je vois pas de fruits mûrs. C'est incroyable. Vous achetez des pelles, c'est dur comme du béton. Moi, j'ai des cerises dans mon jardin. Elles sont magnifiques. Elles n'ont jamais été si grosses que cette année. Elles sont énormes. Alors, c'est quand même étrange que sur le marché, on ne retrouve pas ça. Puis dans votre jardin... Non, mais dans mon jardin, elles sont pleines de flotte. Elles n'ont pas de goût de cerise. Ouais, c'est ça. Je vais faire de la confiture en mettant pour la première fois un peu de jus de cerise dedans. Pour que ça ait un semblant de goût de cerise. C'est absurde, mais c'est comme ça. Effectivement. Et comment entrevoyez-vous les produits biologiques? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu presque une religion, le biologique, le vin biologique, les produits bio. C'est pas une stratégie de marketing? Le vin bio. Essayez d'oublier cette expression. Parce que le vin bio, ça ne veut rien dire. C'est du vin qui est issu d'une agriculture biologique. Oui. Le vin bio, c'est rien du tout. Non. Je veux dire, un bon agriculteur peut faire du raisin bio, propre, en ne traitant pas la vigne, en respectant soit la biologie, soit la biodynamie, et faire du vin dégueulasse. Ce n'est pas un critère qui va te faire. Alors, qu'est-ce qu'on préfère ? Un vin qui est issu d'une agriculture biologique qui soit dégueulasse ou un vin qui a été issu d'une culture raisonnée, disons, et qui sera parfaitement bien ? C'est ça la question. Où on va ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Et aujourd'hui, la mode qui est au biologique, croyez-vous que c'est un moyen de vendre des produits plus chers en nous disant à ce point-là? Ah, plus cher, c'est oui. Incontestable. Il y a en France des gens qui ont fait une expérience formidable. C'est la région dont qui est située dans le Jura et qu'on appelle... Ça, c'est formidable. C'est une dame qui sert le vin à son mari. En général, c'est quand même l'inverse. Ça, c'est des choses qui me fascinent complètement. Nous sommes en 2013. Ah, ça, c'est bien, c'est merveilleux. Hein. Oui, mais enfin, en 2013, ça veut dire que... Je veux dire, je sais pas, il a peut-être pas de couilles, mais c'est parce qu'il fait regarder cette elle qui sert. OK, mais vous êtes contre? Hein? Vous êtes contre? De quoi? Ben, que la femme serve le mari. Je suis pour la liberté, mais là, je trouve que... Le protocole est brisé, là. C'est pas un protocole, c'est juste le respect d'une femme. OK. C'est pas... Ça me paraît très étrange. Enfin, bref. Est-ce que c'est des jeunes ou des gens plus non, ils ont 55 ans. OK. Peut-être. Enfin, disons qu'ils en ont 45, ils ont l'air d'en faire 55. OK. Pour revenir au bio, parce que c'est quand même plus intéressant de s'intéresser à ça. Dans le Jura, pour essayer de vous expliquer un mécanisme bio qui est crédible, vous avez à Lons-Saunier un maire qui est le président de tous les maires de France. Ok. Il n'est pas forcément écouté par tous ses confrères. Est-ce qu'on peut le nommer ? Hein ? Est-ce qu'on peut le nommer ? Oui, je n'ai pas son nom, mais je dis maire de Lons-Saunier, qui est un type, malgré tout, tout à fait remarquable. Ok. Le type, il a décidé que dans sa commune, les écoles, les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite et le restaurant municipal, car il y a un restaurant municipal, seraient bio. Alors il a demandé à un type qui s'appelle Didier Thévenet de prendre ça en main. Didier Thévenet a fait une chose très très intelligente. Il a réuni l'ensemble des acteurs du monde agricole. Ok. Et le Jura, c'est le comté. Donc, il y a du laitage, il y a des gens qui font du lait pour pouvoir faire du fromage. Il a réuni les éleveurs, il a réuni tous les gens qui font du maraîchage, donc des légumes. Il leur a dit, voilà, la consommation de tout ce qui est nécessaire à la ville, elle représente X millions de francs. Je vous propose que dans 4 ans, tout ce qui se fait pour les écoles, les prisons, les maisons de retraite, etc., les hôpitaux, soit bio. Vous allez tous passer en conversion, en reconversion, c'est-à-dire quitter l'élevage intensif pour aller vers le bio. Pendant ces 4 ans, je vous paye le prix actuel que vous me fixez. Pendant les 4 ans de la reconversion, je m'engage à vous acheter vos produits. Et je m'engage pour les 4 ans suivants à acheter vos produits bio au même prix, simplement. Donc, je vous signe un contrat de 8 ans. Vous êtes en reconversion pendant 4 ans. Je vous ai permis la reconversion. Vous me vendez au même prix et après, on se décide. Tout le lait, les yaourts, le beurre, le fromage, les pommes de terre, tous les légumes, la viande, tout, c'est bio. Donc, c'est possible. Oui. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire ça partout en France ? qu'on vous imaginez que on n'a pratiquement plus de bovins parce que tout le monde fait des céréales. Quand vous imaginez que les coopératives agricoles actuellement sont les pires escrocs qu'on peut trouver en métropole, parce que l'histoire de la viande de cheval, c'est quand même bien une coopérative agricole, c'est pour M. Spanghero, qui n'a pas le très propre non plus, mais qui n'est pas concerné, il a vendu son nom, donc il veut le racheter maintenant. C'est une coopérative agricole, une des coopératives les plus importantes de France, avec des marques qui ont délibérément acheté de la viande de cheval dans le but délibéré de tromper le consommateur, alors que la coopérative agricole, elle est là pour servir à la fois le coopérateur et le public et le consommateur. C'est une aberration totale. Swinging little joint where we can jump and shout. It's not too far back off the highway, not so long a ride. You park your Mercedes in the corner, you can walk inside. A little cute one takes your hat and you can thank a ma'am. And every time you make the scene, you find the joint is jammed. Come on, come on, come on. Oh, Carol! Hold tight, pat your foot, don't let them carry it away. Don't let the heat overcome you if we play too loud. Oh, but don't the music intrigue you when it's a gaily crowd. You know if you can't dance, I know you wish you could. Ah, come on, sock it to me, baby, make me feel a little good.

titre de Jean-Pierre Coff, Descente au plaisir ou Souvenir d'une bouteille. Étrange. J'ai passé presque 50 ans de ma vie avec un rouge, et en vieillissant, je me sens une attirance pour les blancs. Ah, pas n'importe quel blanc. Des blancs du sud-est, des blancs avec lesquels on peut parler vraiment. Enfin, des vins pour la philosophie, pour discussions sérieuses, graves. Ne vous méprenez pas. Je ne veux pas dire par là vin emmerdant, pesant. Ah, tout le contraire. Ah, les vins ennuyeux existent. Ils sont même souvent bons, mais n'ont rien à dire. Pas de conversation, pas d'esprit. On les boit sans déplaisir, mais sans envie de s'attarder. Rien de pire que ces vins souvent parfaits mais tristes. Ils n'ont même pas l'utilité de l'eau. Ils ont un nez de vin, une robe de vin, une structure de vin. Ils sont du vin, mais ils ne conduisent pas à l'essentiel, le plaisir. Rien de tel, évidemment, avec des Condrieux, Hermitage, Châteauneuf-du-Pape Blanc. Avec eux, Homer et Saint-Augustin deviennent familiers. On les boit, on ferme les yeux et on entend Verdi. Si, si. Vous ne me croyez pas ? Allez, essayons. Portez votre verre à vos lèvres. Respirez. Commencez à baisser lentement vos paupières. Depuis quelques années, vous écrivez des livres pour que les familles puissent bien manger à peu de frais. Et ça, est-ce que ça vient de votre famille, de votre mère, qui n'avait pas beaucoup d'argent et... J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de fatalité à bouffer de la merde. Et mon prochain livre qui va sortir en septembre s'appelle « Arrêtons de bouffer de la merde ». Ok. Parce que... il faut savoir pourquoi on bouffe cette merde-là. On essaie de nous faire croire que c'est l'industrie agroalimentaire ou la grande distribution qui serait coupable, absolument coupable de tout. Qu'est-ce qui dit ça? Des journalistes qui ne rentrent pas dans les usines. Car moi, quand j'étais journaliste à Canal ou à France Inter, on ne me laissait pas rentrer dans les usines. Maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière et que je défends chez Leader Press, qui est une entreprise qui fait des prix bas, mais des produits convenables, enfin, de qualité. Ah oui, c'est vraiment très bien. Si je vous disais « tout est formidable », vous me diriez que je suis un con, parce que j'y suis depuis 4 ans et qu'en 4 ans, on ne change pas 3700 produits dans une enseigne. C'est pas possible. Je pense qu'on a une gamme de bio qui est très convenable, vraiment. Je crois qu'on a une ligne pour enfants qui est très remarquable. Et pour le grand public, il y a deux gammes. Une gamme qui s'appelle le prix gagnant, dont je ne m'occupe pas, qui est en réalité très difficile à arranger. Parce que, prenons l'exemple d'une boîte de sardines. Normalement, une sardine, avant de rentrer dans une boîte, elle est étêtée, viscérée. En général, c'est à la main. Et elle est frite avant d'être mise dans l'huile. Et entre le moment où elle est frite et le moment où elle est dans l'huile, elle est séchée. Et avant, elle était séchée en plein air. Alors maintenant, elle passe dans une étuve, bon, si vous voulez. Mais pour faire si vous voulez une huile d'olive ou une huile de première qualité, c'est ça qui va vous faire monter le coup, c'est pas la sardine. Et si c'est aussi la sardine, parce que la mode, le chic, ce que veulent les gens, c'est des sardines moyennes ou de la toute petite sardine comme la sermutine qu'on trouve en Espagne. La très grosse sardine, elle est considérée comme... les grosses sardines, c'est fait pour des gens pauvres, des gens qui font ça sur un grill, qui font chier un immeuble entier parce qu'ils font ça sur leur balcon, en réalité. Donc, le prix gagnant, bah, c'est de la grosse sardine qui n'est pas été viscérée à la main, mais on l'a simplement été à la machine, coupée. Et on met de l'huile qui n'est pas forcément l'huile de première pression. Mais est-ce qu'on doit priver les gens de sardines à l'huile? C'est là toute la question. Voilà. Est-ce que... Alors, c'est pas de la merde, mais c'est pas le même traitement que ce qui est le top niveau. Mm-hmm. Mais c'est finalement une sorte de racisme de vouloir qu'il y ait des gens qui aient des moyens qui mangeraient bien et puis des gens qui n'aient pas un rond qui seraient condamnés à bouffer de la merde. C'est quand même une chose qui est indigne de penser ça dans une société civilisée. Ouais, ouais. Et donc, moi qui ai connu la guerre, qui ai eu une grand-mère qui me faisait de la cuisine, mais pendant la guerre... on faisait des pommes de terre au lard, mais on n'avait pas de lard, on mettait de la couenne simplement. Okay. Et la couenne, on la mettait de servir deux, trois fois. Comme le chocolat était très mauvais, mais elle me faisait des nouilles au chocolat. Parce que c'était consistant et parce qu'en même temps, c'était un dessert et un 4 heures. Ah, ouais, ouais. Et L'autre jour, je racontais ça à quelqu'un parce que je l'ai mis dans mon livre de recettes, des nouilles au chocolat, avec l'idée qu'on achète du bon chocolat. Donc, puis qu'on mette de la crème dedans éventuellement. Et les gens disent, moi maintenant je fais ça pour le 4 heures de mes gosses quand ils invitent des copains. Ça les amuse. Est-ce que vous pouvez le faire avec des nouilles qui sont des lettres, avec des nouilles qui sont des chiffres. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Et je compte. La crise a commencé, j'ai pensé que les plus touchés allaient être des gens qui n'avaient pas d'argent et que ça allait considérablement se dégrader et que finalement ils seraient condamnés à ne plus cuisiner. Donc mon idée c'était, pour faire des économies, il y a en gros, il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'il faut un produit de saison, parce que c'est là où il y en a le plus et c'est là où il est le moins cher. Exactement. Et il faut le cuisiner soi-même. Ah oui. C'est tout. Mm. Si vous commencez à l'acheter préparé, il va être un peu plus cher. Parce qu'il va y avoir un emballage à la con qui va déjà coûter 80 centimes. Et la main-d'œuvre. Même si c'est industrialisé. Alors j'ai eu l'idée de faire ce livre qui a fait 800 000 exemplaires, qui est quand même un énorme tirage. Très bien, Et qui se vend toujours d'ailleurs en poche. Oh, oui. Et vous êtes soucieux aussi du bien-être des gens qui ont moins d'argent. Parce que la bouffe n'est pas uniquement consacrée aux élites, aux bourgeois et à des gens qui ont les sous pour aller chercher les produits de haut de gamme. Alors, la bouffe appartient à tout le monde. D'abord, mon cher, les élites, comme vous dites, elles ne pensent pas aux pauvres. Mais non. Sinon, le ministère de l'Éducation nationale serait simplement en train de s'occuper d'éduquer des enfants sur les produits. Quand même une aberration. On a distribué il y a 3 ans, 5 ans, 4 ans, je ne sais plus combien, on a distribué des pommes aux gosses le matin à 10h pour remplacer le verre de lait de M. Rocard. On a fait venir des pommes d'Afrique du Sud alors qu'on est producteur de pommes et exportateur de pommes. Des pommes qui avaient 6 mois de chambre froide. On les payait 0,80 centimes le kilo ou moins cher que les pommes françaises. C'est une absurdité. Voilà, c'est ça le fond du problème, c'est que quand vous voyez la dernière étude où les mômes s'imaginent que la betterave elle pousse carré en terre, c'est quand même assez préoccupant. Oui, c'est juste un problème d'éducation. À partir de là, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on mange de la merde? Mais c'est parce qu'il y a rien d'autre, tout simplement. Et parce qu'on a laissé se dégrader la situation comme ça. Effectivement. Vous êtes né à quel endroit en France précisément? Dans l'Est, à Lunéville. Et très jeune, vous avez été orphelin de votre père? Oui, il est mort pendant la guerre. Ouais. Il a été tué pendant la guerre. Ouais. Et est-ce que ça vous a manqué dans votre vie? Non, pas du tout. Non? Je suis enchanté qu'il soit mort. Okay. Ben, enchanté, c'est pas le mot exact. Ouais. Ça m'est complètement égal. C'est-à-dire que si je suis lucide, je me dis que je serais coiffeur à Lunéville. Parce qu'il était coiffeur, il avait un salon de coiffure, il aurait sûrement souhaité que je prenne le relais. Vous avez fait votre chemin grâce à ce qui est arrivé. Parce que sinon, c'est votre destinée avait déjà été tracée. Je pense surtout que il y a eu deux événements dans ma vie qui ont été qui m'ont obligé à me prendre en main, c'est que mon père est mort, effectivement, et que je ne l'ai pas connu, ni vaguement vu. Enfin, il paraît qu'il y a une photo que j'ai vue, mais ça ne me dit rien. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ma mère a fait sa vie en 47-48 avec un monsieur qui était marié et qu'elle passait son temps à l'attendre et à rêver qu'il arrive et qu'il divorce. Et que c'était une saloperie finie et que je me suis retrouvé très libre. Donc là, j'ai décidé de faire ma vie moi-même. Ok. Très jeune? Ben oui, parce que je suis parti. J'ai commencé à prendre des cours de comédie à 14 ans et à 15 ans et demi, j'étais en tournée. Ça remonte tout dans ma chambre. Et c'est de là que vous êtes venu un peu l'art d'écrire, l'art de vouloir... Non. Non? L'art d'écrire, je crois que c'est pas un art, c'est une technique. Dans les mines du Grand Nord, les mines de charbon, est arrivé un gars, un genre de grand toxon. Il pesait 300 livres, il mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, Gros Jambon. C'était un gars bien tranquille, qui parlait pas beaucoup. Puis tout seul dans son coin, il prenait tout d'un coup. On le voyait chaque matin descendre dans la mine, avec ses deux sandwichs puis sa canne de bine. Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, Gros Jambon. Y'a personne qui savait de quel coin il venait, mais nous on se doutait bien que c'était un Québécois, parce qu'il sacrait tout le temps, il mangeait bien des cartons, puis il avait tout le poil frisé comme un mouton, le Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, Gros Jambon. Je dis pas qu'un matin, dans 8e galerie, les madriers s'écrasent, puis l'explosion retentit. 23 mineurs sont là, prisonniers comme des rats. Et parmi ces 23, il y avait comme de raison, Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon. Ah, Gros Jambon! Au milieu de la poussière, la fumée, puis de la steam, on a vu un géant s'emballer d'un gros bim. Le lever d'une seule main, puis l'accoter sur le plafond, afin de laisser sortir les 23 moribonds. Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, Gros Jambon. Et pendant que le géant tenait le plafond de la mine en l'air, les 23 ont rampé jusqu'à vers la lumière, oubliant que dans le fond, au milieu de la steam, il y en avait encore un qui tenait toujours son bim. Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, un Gros Jambon. Et quand les sauveteurs ont voulu redescendre, il y a eu un grand cri qui se fit entendre. Et tout le monde a compris qu'au milieu de la steam, le gars au fond de la mine avait lâché son bim. Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, Gros Jambon. Et depuis ce matin-là, devant la mine de charbon, on peut voir sur un mur écrit au crayon une petite phrase bien courte, mais qui en dit bien long. Dans le fin fond de la mine, il y a un grand, grand toxon, Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, Gros Jambon. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.